Alors il lui jeta une petite pièce de monnaie et s'éloigna en lui criant « Dieu veille sur toi, ma fille !» Élisabeth ramassa sa petite pièce de monnaie et la considérant avec un peu d'émotion, elle dit « Je te garderai pour mon père, afin que tu lui sois une preuve que ses vœux ont été entendus et que son esprit ne m'a point quitté, et que partout une protection paternelle a veillé sur moi. » Le temps était clair et serein, mais par moments, il venait du côté du nord débouffé d'une bise très froide. Après avoir marché 4 heures sans s'arrêter, Élisabeth se sentit très fatiguée. Aucune maison ne s'offrant à ses regards, elle fut chercher un asile au pied d'une petite colline, dont les rochers bruns et coupés, à pic, la garantissaient de tous les vents. Près de là s'étendait une forêt de chênes. Ce n'est que sur cette rive du Volga que l'on commence à voir cette espèce d'arbre. Élisabeth ne les connaissait point, et quoiqu'ils eussent déjà perdu une partie de leur parure, ils pouvaient être admirés encore. Mais quelque beaux qu'ils fussent, Élisabeth ne pouvait aimer ces arbres d'Europe. Ils lui faisaient trop sentir la distance qui la séparait de ses parents. Elle leur préférait beaucoup le sapin. Le sapin était l'arbre de l'exil, l'arbre qui avait protégé son enfance, et sous l'ombre duquel ses parents se reposaient peut-être en cet instant. De telles pensées la faisaient fondre en larmes. « Oh, quand les reverrai-je » s'écriait-elle, « quand entendrai-je leur voix ? Quand retournerai-je de ce côté pour tomber dans leurs bras ?» Et en parlant ainsi, elle tendait les siens vers Kazan, dont elle apercevait encore les tours dans le lointain, et au-dessus de la ville, l'antique forteresse des camps de Tartarie se présentant sur le haut des rochers d'une manière imposante et pittoresque. Le long de sa route, Élisabeth rencontrait souvent des objets qui portaient dans son cœur une tristesse, à peu près semblable à celle qui naissait du sentiment de ses propres malheurs. Tantôt c'étaient des infortunés enchaînés deux à deux, qu'on envoyait soit dans les mines de Nerschink pour y travailler jusqu'à la mort, soit dans les campagnes d'Irskoust pour peupler les rives sauvages de l'Angara. Tantôt c'étaient des troupes de colons destinées à peupler la nouvelle ville qu'on bâtissait, par l'ordre de l'empereur, sur les frontières de la Chine. Les uns allaient à pied et les autres étaient juchés sur des chariots avec les caisses et les ballots, les chiens et les poules. Cependant, tous ces hommes, exilés pour des fautes qui ailleurs eussent peut-être été punis de mort, n'excitaient que la commisération d'Élisabeth. Mais quand elle rencontrait quelque banni conduit par un courrier du Sénat et dont la noble figure lui rappelait celle de son père, alors elle était émue jusqu'aux larmes. Elle s'approchait avec respect du malheureux et lui donnait ce qui dépendait d'elle. Ce n'était point de l'or, elle n'en avait pas, mais c'était ce qui souvent console davantage, et ce que la plus pauvre des créatures peut donner comme la plus opulente, c'était de la pitié. Hélas, la pitié était la seule richesse d'Élisabeth. C'était avec la pitié qu'elle soulageait la peine des infortunés qu'elle rencontrait le long de sa route, et c'était à l'aide de la pitié qu'elle allait voyager désormais, car en atteignant Volodymyr, il ne lui restait plus qu'un rouble. Elle avait mis près de 3 mois à se rendre de Sarapoul à Volodymyr, et grâce à l'hospitalité des paysans russes, qui pour du lait et du pain ne demandent jamais de paiement, son faible trésor n'était pas entièrement épuisé. Mais elle commençait à manquer de tout. Ses chaussures étaient déchirées, ses habits en lambeaux la garantissaient mal d'un froid qui était déjà à plus de 30 degrés, et qui augmentait tous les jours. La neige couvrait la terre de plus de 2 pieds d'épaisseur. Quelquefois, en tombant, elle se gelait en l'air et semblait une pluie de glaçons qui ne permettait de distinguer ni ciel ni terre. D'autres fois, c'était des torrents d'eau qui creusaient des précipices dans les chemins ou des coups de vent si furieux qu'Élisabeth, pour éviter leur atteinte, était obligée de creuser un trou dans la neige et de se couvrir la tête de longs morceaux d'écorce de pin qu'elle arrachait adroitement, ainsi qu'elle l'avait vu pratiquer à certains habitants de la Sibérie. Un jour que la tempête soulevait la neige par bouffées et en formait une brume épaisse qui remplissait l'air de ténèbres, Élisabeth, chancelant à chaque pas et ne pouvant plus distinguer son chemin, fut forcée de s'arrêter. Elle se réfugia sous un grand rocher contre lequel elle s'attacha étroitement, afin de résister aux tourbillons de vent qui renversaient tout autour d'elle. Tandis qu'elle demeurait là, appuyée, immobile et la tête baissée, elle crut entendre assez près un bruit confus, qui lui donna l'espérance de trouver un meilleur abri. Elle se traîna avec peine de ce côté et s'aperçut en effet un kibitz renversé et brisé, et un peu plus loin une chaumière. Elle se hâta d'aller frapper à cette porte hospitalière. Une vieille femme vint lui ouvrir. « Pauvre jeune fille, lui dit-elle, émue de sa profonde détresse, d'où viens-tu? À ton âge, ainsi, seule, transie et couverte de neige ?» Élisabeth répondit comme à son ordinaire, « Je viens de par-delà Tobolsk, et je vais à Pétersbourg demander la grâce de mon père. » À ces mots, un homme qui avait la tête penchée dans ses mains la releva tout à coup, regarda Élisabeth avec surprise. « Que dis-tu » s'écria-t-il. « Tu viens de la Sibérie dans cet état, dans cette misère, au milieu des tempêtes, pour demander la grâce de ton père ? Ah, ma pauvre fille, ferai comme toi peut-être, mais on m'a arraché de ses bras sans qu'elle sache où l'on m'emmène, sans qu'elle puisse solliciter pour moi. Je ne la verrai plus, j'en mourrai. On ne peut pas vivre loin de son enfant. » Élisabeth tressaillit. « Monsieur, reprit-elle vivement, j'espère qu'on peut vivre quelque temps loin de son enfant. Maintenant que je connais mon sort, continua l'exilé, je pourrai en instruire ma fille. Voici une lettre que je lui ai écrite. Le courrier de ce Kivik renversé, qui retourne à Riga où est ma fille, consentirait à s'en charger, si j'avais la moindre récompense à lui offrir. Mais la moindre de toutes n'est pas en mon pouvoir. Je ne possède pas un simple copec. Les cruels m'ont tout enlevé. » Élisabeth sortit de sa poche le rouble qui lui restait, en rougissant beaucoup d'avoir si peu à offrir. « Si cela pouvait suffire, dit-elle d'une voix timide, en le mettant dans la main de l'exilé. » Celui-ci serra la main généreuse qui lui donnait toute sa fortune, et courut proposer l'argent au courrier. C'était le denier de la veuve. Le courrier s'en contenta. Dieu, sans doute, avait béni l'offrande. Il permit qu'elle parût ce qu'elle était, grande et magnifique, afin que, servant à rendre une fille à son père, le bonheur à une famille, elle portait des fruits dignes du cœur qu'il l'avait faite. Quand l'ouragan fut calmé, Élisabeth voulut se remettre en route. Elle embrassa la vieille femme qui l'avait soignée comme sa propre fille, et lui dit tout bas, pour que l'exilé ne l'entendît pas. « Je ne puis vous récompenser, je n'ai plus rien du tout. Je ne puis vous offrir que les bénédictions de mes parents. Elles sont à présent ma seule richesse. « Quoi ? » interrompit la vieille femme, tout haut. « Pauvre fille, vous avez tout donné ?» Et Élisabeth rougit et baissa les yeux. L'exilé leva les mains au ciel et tomba à genoux devant elle. « Ange qui m'a tout donné, lui dit-il, ne puis-je rien pour toi ?» Un couteau était sur la table. Élisabeth le prit, coupa une boucle de ses cheveux et, la donnant à l'exilé, elle dit « Monsieur, puisque vous allez en Sibérie, vous verrez le gouverneur de Tobolsk. Donnez-lui ceci, je vous en prie. » Élisabeth l'envoie à ses parents, lui direz-vous. « Peut-être considérera-t-il que ce souvenir aille les instruire, que leur enfant existe encore. »« Ah, je jure de vous obéir, répondit l'exilé. Et dans ces déserts où l'on m'envoie, si je ne suis point tout à fait esclave, je saurai trouver la cabane de vos parents, et leur dire ce que vous avez fait aujourd'hui. » Avec le cœur d'Élisabeth, le don d'un trône l'eut bien moins touché que l'espoir des consolations qu'on lui promettait de porter à ses parents. Elle ne possédait plus rien, rien que la petite pièce de monnaie du batelier du Volga. Et cependant, elle pouvait se croire opulente, car elle venait de goûter les seuls vrais biens que les richesses puissent procurer. Par ses dons, elle avait fait la joie d'un père. Elle avait consolé l'orpheline en pleurs. Et voilà pourtant ce qu'un seul rouble peut produire entre les mains de la charité. Depuis Volodymyr jusqu'à Pokrov, village de la couronne, le pays est dans un bas-fond très marécageux et couvert de forêts d'ormes, de chênes, de trembles et de pommiers sauvages. Dans l'été, ces différentes espèces d'arbres forment des bosquets qui réjouissent la vue, mais qui sont ordinairement le refuge des voleurs. L'hiver, on les redoute moins, parce que les taillis dépouillés de feuilles ne leur permettent pas de se cacher aussi bien. Cependant, le long de sa route, Élisabeth entendait parler des vols qui s'étaient commis. Si elle avait possédé quelque chose, peut-être ces bruits l'eussent-ils effrayée. Mais obligée de mendier son pain, il lui semblait que sa pauvreté la mettait à l'abri de tout, et que sous cette égide, elle pouvait traverser ces forêts sans danger. Quelques verstes avant Pokrov, la grande route venait d'être emportée par un ouragan, et les voyageurs étaient obligés, pour se rendre à Moscou, de faire un grand détour à travers les marécages que le Volga forme en cet endroit. Ils étaient couverts d'une glace si épaisse qu'on y marchait aussi solidement que sur la terre. Élisabeth prit cette route qu'on lui avait indiquée. Elle marcha longtemps à travers ce désert de glace, mais comme aucun chemin n'y était tracé, elle se perdit et tomba dans une espèce de marais fangeux dont elle eut beaucoup de peine à se tirer. Enfin, après bien des efforts, elle gagna un tertre un peu élevé. Couverte de boue et épuisée de fatigue, elle s'assit sur une pierre et détacha sa chaussure pour la faire sécher au soleil, qui brillait en ce moment d'un éclat assez vif. Ce lieu était sauvage. On n'y voyait aucune trace d'habitation. Il n'y passait personne, et on n'y entendait même aucun bruit. Élisabeth vit bien qu'elle s'était beaucoup écartée de la grande route, et malgré son courage, elle fut effrayée de sa situation. Derrière elle était le marais qu'elle venait de traverser, et au-delà une immense forêt dont ses yeux n'apercevaient pas la fin. Le jour commençait à décliner. Malgré son extrême lassitude, la jeune fille se leva dans l'espoir de trouver un asile, ou des gens qui l'aideraient à en trouver un. Elle erra çà et là, mais en vain. Elle ne voyait rien, elle n'entendait rien, et cependant, il lui semblait qu'une voix humaine eût rempli son cœur de joie. Tout à coup, elle en entend plusieurs, et bientôt elle voit des hommes qui sortent de la forêt. Elle marche vers eux, pleine d'espérance. Mais plus ils s'approchent, plus elle sent l'effroi succéder à la joie. Leur air sauvage, leur physionomie farouche, l'épouvante plus que la solitude où elle était. Elle se rappelle ce qu'on lui a dit des malfaiteurs qui remplissent cette contrée. Et elle craint que Dieu ne la punisse de la témérité qui lui a persuadé qu'elle n'avait rien à craindre. Elle tombe à genoux pour s'humilier devant la miséricorde divine. Cependant, la troupe s'avance, s'arrête auprès d'Élisabeth, la regarde et lui demande d'où elle vient et ce qu'elle fait là. La jeune fille, les yeux baissés et d'une voix tremblante, répond qu'elle vient de par-delà d'Obolsk et qu'elle va demander à l'empereur la grâce de son père. Elle ajoute qu'elle a pensé périr dans le marais et qu'elle attend qu'elle ait repris un peu de force pour aller chercher un asile. Ses gens s'étonnent, la questionnent encore et veulent savoir quel argent elle possède pour faire une si longue route. Elle tire de son sein la petite pièce de monnaie du batelier du Volga et la leur montre. « Voilà tout. »« Voilà tout » s'écrièrent-ils. « Tout » leur répondit-elle. À ces mots, les bandits se regardent l'un l'autre. Ils ne sont point touchés, ils ne sont point émus. L'habitude du crime ne permet pas de l'être. Mais ils sont surpris. Ils n'avaient point de l'idée de ce qu'ils voient. C'est pour eux quelque chose de surnaturel. Et cette jeune fille leur semble protégée par un pouvoir inconnu. Saisis de respect, ils n'osent pas lui faire de mal. Ils n'osent pas même lui faire du bien. Ils s'éloignent en se disant entre eux « Laissons-la, laissons-la, car Dieu est assurément auprès d'elle. » Élisabeth se lève et fuit le plus vite qu'elle peut du côté opposé. Elle entre dans la forêt. À peine y a-t-elle fait quelques pas qu'elle voit quatre grandes routes formant la croix et à un des angles une petite chapelle dédiée à la Vierge, surmontée d'un poteau qui indique les villes où conduit chacun des chemins. Élisabeth sent qu'elle est sauvée. Elle se prosterne avec reconnaissance. Les malfaiteurs ne s'étaient pas trompés. Dieu était auprès d'elle. La jeune fille ne sent plus sa fatigue. L'espoir lui a rendu des forces. Elle prend légèrement la route de Pokrov. Bientôt, elle retrouve le Volga, qui forme un coude auprès de ce village, et baigne les murs d'un pauvre couvent de filles. Élisabeth se hâte d'aller frapper à cette porte hospitalière. Elle raconte sa peine et demande un asile. On le lui donne aussitôt. Elle est accueillie, reçue comme une sœur, et, en se voyant entourée de ces âmes pieuses et pures qui lui prodiguent les plus tendres soins, elle croit un moment avoir retrouvé sa mère. Le récit simple et modeste qu'Élisabeth fit de ses aventures fut un sujet d'édification pour toute la communauté. Ses bonnes sœurs ne se lassaient point d'admirer la vertu de cette jeune fille, qui venait d'endurer tant de fatigues, de soutenir tant d'épreuves, sans avoir murmuré une seule fois. Elle regrettait beaucoup de n'avoir pas de quoi fournir aux frais de son voyage, mais leur couvent était très pauvre. Ils ne possédaient aucun revenu, et elles-mêmes ne vivaient que de charité. Cependant, elles ne purent se résoudre à laisser l'orpheline continuer sa route avec une robe en lambeaux et des souliers déchirés. Elles se dépouillèrent pour la couvrir, et chacune donna une partie de ses propres vêtements. Élisabeth voulait refuser leurs dons, car c'était avec leur nécessaire que ces pieuses filles la secouraient. Mais celles-ci, montrant les murs de leur couvent, lui dirent « Nous avons un abri, et vous n'en avez pas. Le peu que nous possédons vous appartient. Vous êtes plus pauvres que nous. » Enfin, voici Élisabeth sur la route de Moscou. Elle s'étonne du mouvement extraordinaire qu'elle y voit, de la quantité de voitures, de traîneaux, d'hommes, de femmes, de gens de toute espèce qui semblent affluer vers cette grande capitale. Plus elle avance et plus la foule augmente. Dans le village où elle s'arrête, elle trouve toutes les maisons pleines de gens qui paient à si haut prix une très petite place que l'infortuné qui n'a rien à donner ne peut que bien difficilement en obtenir une. Ah, que de larmes elle dévore en recevant d'une compassion dédaigneuse un grossier aliment et un abri misérable, où sa tête est à peine à couvert de la neige et des tempêtes. Cependant, elle n'est point humiliée, car elle n'oublie jamais que Dieu est témoin de ses sacrifices, et que le bonheur de ses parents en est le but, mais elle ne s'enorgueillit pas non plus. Trop simple pour croire qu'en se dévouant à toutes les misères en faveur de ses parents, elle fasse plus que son devoir, et trop tendre peut-être pour ne pas trouver un secret plaisir à souffrir beaucoup pour eux. Cependant, de tous côtés, les cloches s'ébranlent. De tous côtés, Élisabeth entend retentir le nom de l'empereur. Des coups de canon partis de Moscou viennent l'épouvanter. Jamais un tel bruit n'avait frappé ses oreilles. D'une voix timide, elle en demanda la cause à des gens couverts d'une riche livrée, qui se pressaient autour d'une voiture renversée. « C'est l'empereur qui fait sans doute son entrée à Moscou, lui dirent-ils. »« Comment ? » reprit-elle avec surprise. « Est-ce que l'empereur n'est pas à Pétersbourg ?» Ils haussèrent les épaules d'un air de pitié, en lui répondant « Et quoi, pauvre fille, ne sais-tu pas qu'Alexandre vient faire la cérémonie de son couronnement à Moscou ?» Élisabeth joignit les mains avec transport. Le ciel venait à son secours. Il envoyait au-devant d'elle le monarque qui tenait entre ses mains la destinée de ses parents. Il permettait qu'elle arrivât dans un de ces temps de réjouissance nationale où le cœur des rois fait taire la rigueur, et même la justice, pour n'écouter que la clémence. « Ah ! S'écria-t-elle en se tournant du côté des terres de l'exil. « Mes parents, faut-il que mes espérances ne soient que pour moi, et que lorsque votre fille est heureuse, sa voix ne puisse aller jusqu'à vous ?» Elle entra en mars 1801 dans l'immense capitale de la Moscovie, se croyant au terme de ses peines, et n'imaginant pas qu'elle dût avoir de nouveaux malheurs à craindre. En avançant dans la ville, elle vit des palais superbes, décorés avec une magnificence royale, et près de ces palais des huttes enfumées. Ouverte à tous les vents, elle vit ensuite des rues si populeuses qu'elle pouvait à peine marcher au milieu de la foule qui la pressait et la coudoyait de toutes parts. À très peu de distance, elle retrouva des bois, des champs, et se crut en pleine campagne. Elle se reposa un moment dans la grande promenade. C'est une allée de bouleaux qui ressemble assez aux allées de tilleuls. Un nombre infini de personnes s'y promenaient en s'entretenant de la cérémonie du couronnement. Des voitures allaient, venaient, se croisaient en tous sens, avec un grand fracas. Les énormes cloches de la cathédrale ne cessaient de sonner. De tous les points de la ville, d'autres cloches leur répondaient. Et le canon qui tirait par intervalles se faisait à peine entendre au milieu du bruit dont retentissait cette vaste cité. C'était surtout en approchant de la place du Kremlin que le tumulte et le mouvement allaient toujours croissant. De grands feux y étaient allumés. Élisabeth s'en approcha et s'assit timidement à côté. Elle était épuisée de froid et de fatigue. Elle avait marché tout le jour, et sa joie du matin commençait à se changer en tristesse. Car en parcourant les innombrables rues de Moscou, elle avait bien vu des maisons magnifiques, mais elle n'avait pas trouvé un asile. Elle avait bien rencontré une foule nombreuse de gens de toute espèce et de toute nation, mais elle n'avait pas trouvé un protecteur. Elle avait entendu des personnes demander leur chemin, s'inquiéter de l'avoir perdu, et elle avait envié leur sort. Heureux, se disait-elle, d'avoir quelque chose à chercher. Il n'y a que la fortune et qui n'a point d'asile, qui ne cherche rien, et qui ne se perd point. Cependant, la nuit approchait, et le froid devenait très vif. La pauvre Élisabeth n'avait pas mangé de tout le jour. Elle ne savait que devenir. Elle cherchait à lire sur tous les visages si elle n'en trouverait pas un dont elle pût espérer quelque pitié. Mais ce monde qu'elle regardait avec attention, parce qu'elle avait besoin de lui, ne la regardait seulement pas, parce qu'il n'avait pas besoin d'elle. Elle se hasarde à aller frapper à la porte des plus pauvres réduits. Partout, elle fut rebutée. L'espoir de faire un gain considérable pendant les fêtes du couronnement avait fermé le cœur des moindres aubergistes à la charité. Jamais on n'est moins disposé à donner que quand on se voit au moment de s'enrichir. La jeune fille revint s'asseoir auprès du grand feu de la place du Kremlin. Elle pleurait en silence, le cœur oppressé, et n'ayant pas même la force de manger un morceau de pain qu'une vieille femme lui avait donné par compassion. Elle se voyait réduite à ce degré de misère où il fallait tendre la main aux passants pour en obtenir une faible aumône, accordée avec distraction ou refusée avec mépris. Au moment de le faire, un mouvement d'orgueil la retint, mais le froid était si violent qu'en passant la nuit dehors, elle risquait sa vie, et sa vie ne lui appartenait pas. Cette pensée dompta la fierté de son cœur. Une main sur ses yeux, elle avança l'autre vers le premier passant, et lui dit « Au nom du Père qui vous aime, de la Mère de qui vous tenez le jour, donnez-moi de quoi manger, donnez-moi de quoi payer un gîte cette nuit. » L'homme à qui elle s'adressait la regarda avec curiosité à la lueur du feu. « « Jeune fille, lui répondit-il, vous faites là un vilain métier. Ne pouvez-vous pas travailler ? À votre âge, on devrait savoir gagner sa vie. Dieu vous aide, je n'aime point les mendiants. » Et il passa outre. L'infortuné leva les yeux au ciel, comme pour y chercher un ami, fortifié par la voix consolante qui s'éleva alors dans son cœur. Elle osa réitérer sa demande à plusieurs personnes. Les unes passèrent sans l'entendre. D'autres lui donnèrent une si faible aumône qu'elle ne pouvait suffire à ses besoins. Enfin, comme la nuit s'avançait, que la foule s'écoulait et que les feux allaient s'éteindre, la garde qui veillait aux portes du palais, en faisant sa ronde sur la place, s'approcha d'Élisabeth et lui demanda pourquoi elle restait là. L'air dur et sauvage de ses soldats la glaça de terreur. Elle fondit en larmes, sans avoir le courage de répondre un seul mot. Les soldats, peu émus de ses pleurs, l'entourèrent en répétant leurs questions avec une insolente familiarité. La jeune fille répondit alors d'une voix tremblante « Je viens de part de la Tobolsk pour demander à l'empereur la grâce de mon père. J'ai fait la route à pied, et comme je ne possède rien, personne n'a voulu me recevoir. » À ces mots, les soldats éclatèrent de rire, en taxant son histoire d'imposture. L'innocente fille, vivement alarmée, voulut s'échapper. Ils ne le permirent pas, et la retinrent malgré elle. « Ô mon Dieu, ô mon père !» s'écria-t-elle, avec l'accent du plus profond désespoir. « Ne viendrez-vous pas à mon secours ? Avez-vous abandonné la pauvre Élisabeth ?» Pendant ce débat, des hommes du peuple, attirés par le bruit, s'étaient rassemblés en groupe, et laissaient éclater un murmure d'improbation contre la dureté des soldats. Élisabeth étend les bras et s'écrie « Je le jure à la face du ciel, je n'ai point menti. Je viens à pied de par-delà Tobolsk pour demander la grâce de mon père. Sauvez-moi, sauvez-moi, et que je ne meure du moins qu'après l'avoir obtenue. » Ces mots remuent tous les cœurs. Plusieurs personnes s'avancent pour la secourir. Une d'elles dit aux soldats « Je tiens l'auberge de Saint-Basile sur la place, je vais y loger cette jeune fille. Elle paraît honnête, laissez-la venir avec moi. » Les soldats, émus enfin d'un peu de pitié, ne la retiennent plus et se retirent. Élisabeth embrasse les genoux de son protecteur. Il la relève et la conduit dans son auberge, à quelques pas de là. « Je n'ai pas une seule chambre à te donner, » dit-il. « Elles sont toutes occupées. Mais pour une nuit, ma femme te recevra dans la sienne. Elle est bonne et se gênera sans peine pour t'obliger. » Et Élisabeth tremblante le suit sans dire un seul mot. Il l'introduit dans une petite salle basse où une jeune femme, tenant un enfant dans ses bras, était assise près d'un poêle. Elle se lève en les voyant. Son mari lui raconte à quel danger il vient d'arracher cet infortuné et l'hospitalité qu'il lui a promise en son nom. La jeune femme confirme la promesse et, prenant la main d'Élisabeth, elle lui dit avec un sourire plein de bonté « Pauvre petite, comme elle est pâle et agitée, mais rassurez-vous, nous aurons soin de vous. Et une autre fois évitez, croyez-moi, de rester aussi tard sur la place. À votre âge et dans les grandes villes, il ne faut jamais être à cette heure-ci dans les rues. » Et Élisabeth répondit qu'elle n'avait aucun asile, que toutes les portes lui avaient été fermées. Elle avoua sa misère sans honte et raconta son voyage sans orgueil. La jeune femme pleura en l'écoutant. Son mari pleura aussi. Et ni l'un ni l'autre ne s'imaginèrent de soupçonner que ce récit ne fût pas sincère. Leurs larmes leur répondaient. Les gens du peuple ne se trompent guère à cet égard. Les brillantes fictions ne sont point à leur portée, et la vérité seule a le droit de les toucher. Quand elle eut fini, Jacques Rossi, l'aubergiste, lui dit « Je n'ai pas grand crédit dans la ville, mais tout ce que je ferai pour moi-même, comptez que je le ferai pour vous. » La jeune femme serra la main de son mari en signe d'approbation et demanda à Élisabeth si elle ne connaissait personne qui pût l'introduire auprès de l'empereur. « Personne, » dit-elle, car elle ne voulait pas nommer le jeune Smoloff, de peur de le compromettre. D'ailleurs, quel secours pouvait-elle en attendre, puisqu'il était en Livonie ? N'importe, reprit la jeune femme auprès de notre magnanime empereur, la pitié et le malheur sont les plus puissantes recommandations, et celles-là ne vous manqueront pas. Oui, oui, interrompit Jacques Rossi, l'empereur Alexandre doit être couronné demain dans l'église de l'Assomption. Il faut que vous vous y trouviez sur son passage. Vous vous jeterez à ses pieds, vous lui demanderez la grâce de votre père. Je vous accompagnerai, je vous soutiendrai. « Ah, mes généreux hôtes !» s'écria Élisabeth en saisissant leurs mains avec la plus vive reconnaissance. « Dieu vous entend et mes parents vous béniront. Vous m'accompagnerez, vous me soutiendrez, vous me conduirez au pied de l'empereur. Peut-être serez-vous témoin de mon bonheur, du plus grand bonheur qu'une créature humaine puisse goûter. Si j'obtiens la grâce de mon père, si je puis la lui rapporter, voir sa joie et celle de ma mère, elle ne put achever. L'image d'une pareille félicité lui ôta l'espérance de l'obtenir. » il lui semblait qu'elle n'avait pas mérité d'être si heureuse. Ses hôtes ranimèrent son espoir par les éloges qu'ils donnèrent à la clémence d'Alexandre, par le récit qu'ils lui firent de toutes les grâces qu'il avait accordées, et du plaisir qu'il paraissait prendre à faire le bien. Élisabeth les écoutait avidement. Elle aurait passé la nuit à les entendre. Mais il était fort tard. Ses hôtes voulurent qu'elle prît un peu de repos pour se préparer à la fatigue du lendemain. Jacques Rossi se retira dans une petite chambre au plus haut de la maison, et sa bonne femme reçut Élisabeth dans son propre lit. Pendant longtemps, elle ne put dormir. Son cœur était trop agité, trop plein. Elle remerciait Dieu de tout, même de ses peines, dont l'excès lui avait valu la généreuse hospitalité qu'elle recevait. « Si j'avais été moins malheureuse, se disait-elle, Jacques Rossi n'aurait pas eu pitié de moi. » Quand le sommeil vint la surprendre, il ne lui ôta point son bonheur. De doux songes le lui offrirent sous toutes les formes. Tantôt elle croyait voir son père, tantôt la touchante figure de sa mère lui apparaissait brillante de joie. Quelquefois il lui semblait entendre la voix de l'empereur lui-même, et quelquefois aussi un autre objet se montrait à travers une vapeur qui cachait ses traits, et ne lui permettait pas de les distinguer plus que les sentiments qu'il avait fait naître dans son cœur.